Chapitre 28e, le stylographe infernal. Il s'assit en face de lui sur une chaise et reprit. Ainsi, après un plongeon, si je puis ainsi dire, dans le silence prudent et dans la sagesse, fille de la sûreté, voici que les aides se sont reconstituées et recommencent à faire parler d'eux. Zygomar renaît. Zygomar n'est jamais mort, dit le prisonnier. Il a tout de même été moribond. Zygomar est immortel. Il le dit. Croyons-le pour le moment. Ses nouveaux exploits ne sont pas très brillants. Il vole au cirque un collier à Rosa de la Huerte, à Messiden, ce qui n'est pas galant, mais il tue une bonne bretonne et une petite danseuse, Bianca, ce qui est cruellement inutile. Deux assassinats sans profit, c'est stupide. Ce soir, il s'attaque encore à Messiden, et il n'est pas plus heureux. Vraiment, Zygomar n'a pas une rentrée brillante. Mais peut-être ne dispose-t-il pas de moyens aussi bons qu'autrefois. Peut-être est-il mal secondé. Peut-être n'a-t-il plus avec lui le merveilleux Thom Twig. Zygomar ne répondit pas. Qui donc compose son conseil? Demanda l'homme au masque. Quels sont ceux qui, revêtus de la cagoule rouge, dirigent la bande des aides? Zygomar se mit à rire. Vous n'attendez pas, je suppose, que je trahisse mes compagnons. Pardon, répliqua l'homme au masque, je n'attends que cela. Et même, je vous préviens aimablement qu'il faut le faire tout de suite. La nuit va finir et nous devons sortir de cette maison avant l'aurore, comme des gens vertueux. Vous attendrez en vain. Dans ce cas, vous allez me mettre dans la douloureuse obligation de vous faire parler malgré vous. Je vous en défie. Oh, combien vous avez tort. Zygomar, pensant avoir affaire à Paulin Broquet, croyait pouvoir se montrer beau joueur, faire le bravache, le fanfaron. Il savait que Paulin Broquet n'employait jamais les moyens cruels et qu'il s'en remettait simplement à l'arsenal des lois pour servir la justice. Zygomar devait avoir une pénible désillusion. L'homme au loup redemanda. Voulez-vous me dire où se réunit la bande des aides? Non. L'homme au loup prit dans la poche de son habit un stylographe dont il défit le protecteur et il regarda la plume en or. Voulez-vous me dire quelles affaires vous avez en train? Non, non, non. L'homme au loup noir se leva et son stylographe en main passa derrière le prisonnier. Zygomar vit le stylographe, la plume en or. Il pensa que Paulin Broquet, certain de le faire parler, allait prendre en note ses révélations. Et souriant de la naïveté du policier, il haussa les épaules. « Parlez, lui dit encore l'homme au masque de velours, parlez, je vous en prie, répondez à toutes mes questions et promptement, sans essayer de me tromper. » Ce disant, dans un geste de conciliante familiarité, il posa sa main gauche sur l'épaule gauche du prisonnier. Mais il appuya toutefois assez fortement pour obliger Zygomar à se pencher un peu plus en avant. Zygomar, pour toute réponse à ce dernier engagement à parler, secoua la tête et accentua son sourire ironique. L'homme au loup de velours alors avança la main droite. Il approcha le stylographe de l'épaule de Zygomar, et sur la peau, comme sur une feuille de papier, il écrivit rapidement quelques mots. Alors ce fut épouvantable. Au contact de cette plume d'or qui courait sur son épaule, Zygomar sursauta. Il se tordit sur sa banquette et se mit à pousser un hurlement de douleur. Dans les convulsions que lui arrachait la souffrance horrible, il roula à terre. Promptement, l'homme au loup de velours lui posa un mouchoir sur la bouche pour étouffer ses cris. Puis il le releva, et malgré ses mouvements de lutte affolée, il parvint à remettre la banquette d'aplomb. Et il recommença à poser les questions. Il détacha quelque peu le bâillon. Mais Zygomar, dans une dernière bravade, ne voulut pas obéir. Au lieu de répondre, il fit, sans respecter la présence d'une femme, entendre les pires ordures, les plus infâmes jurons, les plus ignobles insultes à l'adresse de son bourreau. L'homme au loup souriait. Il se contenta de resserrer le bâillon et d'étouffer ainsi les cris du patient. Puis, sur un ton absolument calme, il redit les questions auxquelles il voulait forcer Zygomar à répondre. Zygomar refusa encore de parler. Brusquement, l'homme au loup appuya sa main gauche sur le cou nerveux et puissant du captif. Il le força à courber la tête et à présenter son dos large et musclé. Et lentement, cette fois, il promena la plume d'or de son stylographe sur la peau du malheureux. Et comme s'il eût écrit avec une encre de feu, la peau, sous la plume d'or, fumait. Zygomar voulut se défendre et tâcher d'échapper à cette épouvantable torture. Mais la poigne irrésistible de l'homme au masque de velours le maintenait, et comme un carcan de fer paralysait tous ses mouvements de résistance, le forçant, sans que la chair martyrisée puisse se révolter, à subir cet étrange et infernal supplice. Enfin, l'homme au masque de velours cessa d'écrire. Il lâcha le cou de Zygomar et vint s'asseoir tranquillement en face de lui pour le regarder. Zygomar était épouvantable, effrayant. Sa tête eût pu servir à un peintre pour représenter le masque horrible de la suprême souffrance humaine. La sueur ruisselait sur son front, ses yeux semblaient sortir de leurs orbites, et sa mâchoire mordait tellement le bâillon qu'il en était déchiqueté, coupé. Son torse était mouillé, il ruisselait. Ses bras raidis laissaient apparaître comme des cordes tirées les muscles et les tendons, et ses mains attachées l'une à l'autre s'entre-déchiraient, les ongles entraient dans les chairs, c'était affreux. L'homme au masque regardait cela en connaisseur. Il appréciait la souffrance endurée par la victime et l'attendait le résultat de ce martyre dont il escomptait à coup sûr les effets atroces. Il avait au passage pris une cigarette dans une boîte et renversé, appuyé au-dessus du fauteuil qu'il occupait, les jambes croisées négligemment, il souriait comme s'il eût assisté à quelque plaisant spectacle. « Eh bien, mon cher Zigomar, voulez-vous encore faire de la résistance ?» Et m'obliger à continuer ma petite expérience ou vous décidez-vous à entrer en composition ?» Zigomar, épuisé, à bout de force, vaincu, céda enfin. La bête humaine palpitante, meurtrie, avait pris le dessus, et la volonté de l'homme, du lutteur, venait de s'anéantir. Zigomar parla. Il répondit à toutes les questions que lui posa l'homme au masque de velours. Mais il interrompait ses réponses de gémissements, de plaintes, et le plus souvent de jurons, d'insultes. « La bande des aides, dit-il, est reconstituée. Notre nouvelle barbotière se trouve rue Jonas, à la barrière d'Italie, chez Fricard, à la baleine. Le mot de ralliement, demanda l'homme au loup de velours, est toujours à la vie, à la mort. Oui, le signe est toujours le Z. En somme, rien de changé. Quels sont, avec vous, les chefs, les quatre hommes qui vous entourent, vos assesseurs ? Zigomar dut les nommer. Parfait, dit l'homme au masque en souriant. Mais ces hommes ne faisaient pas partie, il me semble, de l'ancien conseil de Zigomar. C'était, autant que mes documents peuvent me le rappeler, de simples aides dans l'autre bande. C'est exact. Que sont devenus les chefs d'autrefois ? Disparus. Comment cela ? Après l'affaire de la guérinière, j'étais blessé. Ah, vraiment ? Par Paulin Broquet, je gage ? Vous devez le savoir aussi bien que moi, dit Zigomar. En effet, riposta l'homme au masque, en effet, je le sais aussi bien que vous. Comme toujours, les aides se sont dispersées. Cette fois, j'ai eu du mal à en réunir quelques-uns, et j'étais forcé de tout refaire, de former un nouveau conseil. Thumbtweak n'en fait pas partie ? Non, Thumbtweak est retourné en Amérique. L'homme au masque demanda encore à Zigomar quelques autres renseignements, puis il voulut connaître quel jour il y aurait une réunion à la baleine. Et enfin, ayant obtenu de Zigomar tout ce qu'il désirait, il lui dit « Je n'ai plus qu'à vous remercier ». Maintenant, vous allez pouvoir vous habiller. Voyez-vous, il ne tenait qu'à vous de ne pas me mettre dans l'obligation de vous être désagréable. L'homme masqué alors souleva la banquette et tourna Zigomar de façon à mettre devant les yeux de Miss Eden le dos du patient. Miss Eden avait assisté à toute cette scène muette et sans avoir l'air de la voir, de la comprendre. Quand elle jeta, à la prière de l'homme au loup de velours, les yeux sur le dos de Zigomar, elle ne put se défendre de pousser un cri d'horreur, d'épouvante. Le stylographe était, au lieu d'encre, rempli d'acide sulfurique. Et la plume d'or avait écrit ces lignes. « J'ai mis Eden, tel jour, j'ai trahi mes compagnons, vendu les aides, signé Zigomar. » Miss Eden, en voyant cette inscription en trait rouge, sanguinolent, ces mots qui semblaient sortir de la peau découpée comme des languettes de chair à vif, ces lignes qui demeuraient visibles sur ses épaules indéfiniment, et que seuls les vers du tombeau pourraient ronger, détruire, frissonna d'épouvante et d'horreur. Et instinctivement, d'un mouvement machinal, elle porta son regard sur son bras où sous le large bracelet d'or se trouvait un secret dont la vue avait comme pour elle maintenant fait de même effroyablement tressaillir pour la broquer épouvantée quand elle le lui avait montré. L'homme au loup de velours revint à Zigomar qui ne se doutait pas encore de quel document doublement épouvantable il était porteur. Zigomar pouvait croire que son bourreau lui avait simplement labouré le dos avec son stylographe plein d'acide sulfurique. Il ne pouvait soupçonner que son supplice avait servi à consigner le témoignage épouvantable de sa trahison. L'homme au masque féroce souriait, en pensant au désespoir de Zigomar, quand un de ses lieutenants, de ses hommes, un médecin, à qui il montrerait ses plaies, lirait ses lignes perfides. Cependant, il s'approcha de Zigomar. Il est inutile que vous souffriez plus longtemps. « Rassurez-vous, n'ayez aucune crainte, je vais calmer les souffrances que vous devez certainement endurer. » Dans une boîte, il prit une houppette à poudre de riz, et il saupoudra le dos de Zygomar d'une composition dans laquelle entrait du bicarbonate de soude et de la cocaïne. Le bicarbonate de soude devait combattre les effets de l'acide sulfurique, assez accentué maintenant, et la cocaïne allait endormir la douleur. Immédiatement, Zygomar se sentit soulagé. Comme par enchantement, les souffrances cessèrent. « Vous allez vous habiller, » lui dit alors l'homme au masque de velours, « et vous pourrez vous retirer. » Zygomar regarde avec étonnement cet homme qu'il prenait pour le détective. Il semblait ne pas comprendre. « Vous me laissez partir ? » s'écria-t-il. « Oui. Alors vous n'êtes pas Paulin Broquet ? Pourquoi pas ?»« Puisque vous tenez Zygomar et que vous lui donnerez la liberté. » « J'ai tenu Zygomar ce soir. Quand il sera nécessaire, quand je le voudrai, je reprendrai Zygomar. » Il fit un geste de la main comme pour dire adieu, et ayant embrassé le bout des doigts de Mécédon, il s'éclipsa par une portière, tandis qu'à la porte opposée apparaissait Big, le colosse nègre que sa maîtresse avait appelé par un signal électrique.